Yeah. Nice one comes up. Halfway comes up. DJ Kish Cool. Dans ce spectre, dans ton son, dans le village, je pars dans la chute. Dans ce cercle, au sorti, tout le mal s'invite, son cœur dans la chute. Pas content, pas content, mais le son tapasse, dans le passe, dans les conduits. Pas content, pas content, mais le son serait dans ce que je conduis. Le développement s'opère dans votre tête et j'observe ça depuis notre sphère. Des cocktails de méthode que l'on vous sert dans le faussaire, à la télé qui se vous perdent. De sorte à ce que les mêmes prospèrent, que des mecs sexy, plus sur des posters. Je propose un genre de délit, donc je pose ici ma politique austère. Passe le rire, travailler ne pas se lever, batailler ne pas crever, c'est le but, il faut pas tomber dans le pas côté. Il n'y a pas d'immunité pour les plus faibles, on sait. C'est la jungle, faire du blé. Si de bonne guerre, t'as pas la bonne gueule, t'es dans le deuil, si tu fais le mec flipper. Entre les épidémies qu'on contracte, l'être humain le pire ennemi, sa propre race. Je ne vois que des pions qui ne s'entraident pas. Tout au pied du mur devant des obstacles. On stack, on stack, on se braque. Ce jeu nous bat comme dans une vague, reste intact malgré les impacts. Pas de bac de sang, de bouc dans contact. Dans ce système, je suis un truc tôt dans le village, on grave à la chute. Dans ce ciel trop sorti, tout le mal s'invite, sans peur dans la chute. Pas content, pas content, mais le son tapasse dans le bas, dans les conduits. Pas content, pas content, mais le son serait dans le futur qu'on conduit. Le développement s'opère secret, y'a pas de secret. Travailler azelé, apprendre à se marteler. L'esprit sans le mal mener, savoir pardonner. Le cash money te fait mal et te fait marmener. Les monégasques, les casques, appelle les factures, s'accumulent, te casse le nez. La solution c'est un bac, du charbonné, mais t'es là. Tu sembles assommé, tu prends les phares. T'as ramené et tu râles, de te raccrocher à la femme, de t'abandonner. Le dialogue social est important, se connaître soi-même avant les gens. Les admirois ce que t'es vraiment. Si t'as besoin d'aide, appelle-moi car de Compton à London, j'suis dans le thème, laisse couler ce bordel. J'suis dans le tempo, cantonne mes lines comme des lanternes. Tu t'étonnes du tellement dans ton verbeau. J'exporte la faille jusque sur terre pour remettre de l'ordre juste là où il faut. Constate tes rois, les pieds sur terre, tête dans l'air, le point levé vers le très haut. Dans le système, j'suis dans le truc, sous ton vie, car je crains pas la chute. Dans ce ciel trop sorti, tout le mal s'invite, sans peur dans la chute. Pas content, pas content, mais le son tapasse dans le bas, dans les conduits. Pas content, pas content, mais le son serait dans ce que je comprends. Contrage pour un seul homme, un gars sur un seul homme. On inverse pas les rôles, redoutable dans les mots. Redouté comme Corona dans le haut, Corona dans les jaunes. Franchement ça va, en vrai de vrai, j'ai bien ma barre. Là j'suis trop flat, j'vois les ravages. Un pied sur terre, le pied sur Mars. Pour que tu comprennes que j'suis pas là, j'm'embarrasse pas, y'a plus de barrage. J'ai tracé ma route au naval, on fait loin de tous les ravages. Dans ce système, j'suis dans le truc, sur le temps, vicar, j'en crains pas la chute. Dans ce ciel trop sorti, tout le mal s'invite, sans peur dans la chute. Pas content, pas content, mais le son tabasse dans le bas, dans les conduits. Pas content, pas content, mais le son serait pas, c'est du cash qu'on produit.